Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette rentrée des webconférences de Jury Travail. Pour celles et ceux qui ont déjà assisté à nos précédentes webconférences, vous pouvez constater que nous utilisons cette fois-ci un tout nouvel outil et vous m'en voyez ravie. J'espère que vous le saurez autant que moi. Je déclare donc officiellement la saison des webconférences de Jury Travail ouverte. Et nous nous retrouverons à peu près 2 fois par mois autour de thématiques différentes. Donc, la webconférence du jour est à destination d'élus de CSE, de chefs d'entreprise, de RH, puisque nous sommes tous concernés par la gestion des données personnelles des salariés et nous devons tous nous conformer au RGPD, donc le Règlement général de protection des données. Quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique très riche. Nous l'avons souhaité rédiger dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats. Et enfin, il vous donne accès à notre équipe de juristes basée à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à vos juristes. À nos juristes, pardon. Enfin, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Dapalma, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous pour cette webconférence de rentrée. Bonjour à vous et bonjour à tous. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet questions qui est situé dans la partie à droite de la vidéo. Et je remercie vivement ma collègue Marine qui exceptionnellement remplace Alice pour répondre à vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Vraiment, merci Marine. Alors, nous avions mis comme d'habitude à votre disposition donc un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à Maître Dapalma qui va y répondre autour de cette webconférence. Et nous vous avons également laissé les coordonnées de Maître Dapalma qui apparaissent sur vos écrans. Donc, si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à la contacter. Donc, nous avons prévu une durée de 45 minutes pour cette webconférence. Nous allons essayer de nous y tenir. Donc, nous aborderons plusieurs thématiques. D'abord, la mise en place du RGPD. Ensuite, deux dispositifs qui en font partie, le registre de traitement des données tout d'abord et le DPO. Donc Data Protection Officer ou DPD, délégué à la protection des données. Nous aborderons quelques exemples pratiques. Enfin, nous parlerons des contrôles et des sanctions, puisque malheureusement, ça existe. Et enfin, et vous avez été nombreux à nous poser des questions sur cette thématique récente, nous parlerons du RGPD et du contrôle du pass sanitaire et du statut vaccinal des salariés. Donc, nous allons commencer tout de suite par la mise en place du RGPD. Quand et pourquoi le RGPD a-t-il été mis en place? Quels en sont les grands principes? Et toutes les entreprises doivent-elles le respecter? Nous écoutons vos réponses, Maître. Alors, le RGPD n'est pas tombé comme ça, enfin, n'est pas quelque chose de totalement nouveau en France. Ça sera nouveau, il est nouveau dans le principe, dans la démarche, on va le voir. En revanche, il existait déjà en France la loi Informatique et Liberté, qui prévoyait une surveillance de l'utilisation des données personnelles. Sauf que le principe a été totalement inversé, c'est-à-dire que la loi informatique et liberté prévoyait un système déclaratif. Les entreprises qui voulaient, ou les organismes qui voulaient utiliser, traiter des données personnelles devaient faire un système de déclaration auprès de la CNIL, voire éventuellement des demandes d'autorisation d'utilisation des données personnelles. Avec le règlement général européen, qui est rentré, enfin qui a été, qui date du 27 avril 2016, mais qui est entré en vigueur deux mois après, le 28 mai 2018, le système est totalement différent. On abandonne le système déclaratif. Il s'agit ici d'harmoniser déjà un petit peu tout ce qui pouvait se passer dans tous les pays d'Europe et de dire, on prend le principe de la responsabilisation des organismes et des entreprises. C'est-à-dire qu'on va dire, vous n'aurez pas à vous soumettre une demande d'autorisation et puis une fois qu'elle est accordée, vous suivez ça peu ou prou. Mais c'est à vous responsabiliser et c'est à vous à faire en sorte de respecter les principes et les règles qui sont édictées par le RGPD. Donc, on n'est plus du tout sur un système déclaratif. On est un système où il faut que l'entreprise, les organismes, les collectivités, etc., mettent en place les systèmes nécessaires, adéquats, pour pouvoir respecter les règles et les principes du RGPD. Alors, la finalité du RGPD, c'était aussi de renforcer le droit des personnes, parce que par rapport aux législations antérieures, il y a vraiment des droits renforcés. Notamment les personnes ont bénéficié de droits qu'elles peuvent faire valoir auprès des entreprises, des organismes, des collectivités qui utilisent leurs données, bien plus fort et important que ce qui existait auparavant. Deuxièmement, c'était aussi une question d'équilibrer un petit peu le marché intérieur européen pour réguler tout ça et faire en sorte qu'il y ait une sorte d'harmonisation qui se fasse au sein des différents pays de l'Union européenne. Le RGPD édicte un certain nombre de règles que tous les pays doivent suivre. Cela étant, il y a une petite marge qui a été donnée à chacun des pays pour avoir adapté sur certains points la réglementation dans leur loi intérieure. Donc, il s'agit donc de renforcer le droit des personnes. Il s'agit de responsabiliser les acteurs qui traitent les données et pour non plus qui se disent « je suis débarrassé de toute responsabilité dès lors que j'ai fait ma déclaration ». Et de renforcer la coopération aussi entre les autorités de régulation grâce à une sorte d'harmonisation au sein de l'Europe. Alors, quel est le champ d'application du RGPD ? Eh bien, c'est tout ce qui est traitement de données. Quand on dit traitement, c'est dès lors qu'on utilise des données, que ça soit de manière informatique ou que ça soit de manière papier. Il reste encore des données qui sont récupérées et traitées sur des formulaires papier ou dans le cadre d'entretien où on peut récupérer des données sur un papier. Donc, dès lors qu'il y a un traitement de données, qu'il soit automatisé ou non, dès qu'il s'agit de données concernant des personnes physiques, le RGPD ne concerne que les personnes physiques, bien évidemment, quelle que soit la nationalité de cette personne, dès lors que le critère de rattachement, que ce soit de la personne qui utilise ces données ou que ce soit de la personne physique qui est concernée, le critère de rattachement, c'est qu'il soit du ressort de l'Union européenne, enfin du ressort de la zone géographique du RGPD. Donc, quand bien même le traitement serait fait ailleurs, à partir du moment où ça concerne une personne et qui est rattachée au sol européen, eh ben, le RGPD a vocation à s'appliquer et elle peut exercer les droits qui lui sont conférés par le RGPD. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup d'externalisation hors Europe et bien évidemment, c'était une façon facile à droite, peut-être, essayer d'échapper à la réglementation en se mettant, quand une fois qu'on est à l'extérieur, moi, responsable de traitement, je ne suis plus soumis. Et c'est faux, dès lors que ça concerne une personne physique qui est rattachée sur le sol européen. Alors, quels sont les principes généraux du RGPD, ceux qui gouvernent en fait toute la philosophie, j'allais dire, du règlement? Il y a deux principes généraux. Le premier, c'est ce qu'on appelle « privacy by design », c'est-à-dire que ce sont les mesures préventives qui doivent être mises en place. C'est-à-dire qu'on dit « vous ne devez pas simplement réparer la situation une fois que vous utilisez les données », c'est que dès lors que vous mettez en place, en œuvre, un traitement de données, il faut qu'au moment de la création, de la conception de ce traitement, vous mettiez en place les mesures techniques, organisationnelles, appropriées pour pouvoir respecter les règles données par le RGPD qu'on va voir dans un instant et que ça soit de façon effective. Et ça, c'est très important parce que cet ensemble de mesures de sécurité qui doivent être prises en amont de la création du produit, du service, l'entreprise, la collectivité, l'organisme, va devoir pouvoir en justifier plus tard si jamais il y a un contrôle ou une plainte. Donc, il s'agit là d'être proactif, préventif et non pas comme auparavant dans le cadre de la loi informatique et liberté qui était purement correctif. C'est-à-dire que s'il y avait une infraction, la CNIL intervenait et vous pouviez suivre les prescriptions. Ça sera toujours le cas dans le cas d'une mise en demeure. Mais là, il va falloir justifier en amont les mesures prises au moment de la conception de la mise en place du traitement des données. Enfin, le deuxième grand principe du RGPD, c'est la protection par défaut. C'est-à-dire qu'il faut garantir un maximum de protection de façon implicite, sans qu'il y ait une intervention particulière, explicite, de la part de la personne concernée. Donc, il s'agit d'intégrer la protection des données personnelles et de la vie privée dès la conception. Évidemment, il y a un problème de conciliation des intérêts de la personne physique avec la performance du service. Donc là, il y aura un certain nombre d'arbitrages à faire. Il y a aussi des mesures de sécurité durant tout le cycle de vie de la donnée. Ce n'est pas seulement au moment où on récupère les informations, les données, qu'on donne les informations que tout le monde voit très fréquemment, mais c'est aussi dans le traitement, dans le cursus du traitement, jusqu'à le moment de la phase de conservation, voire de destruction des données. Ensuite, il faut qu'il y ait une transparence totale, une visibilité par le responsable de traitement, qu'à tout moment, le responsable de traitement soit en mesure de savoir ce qui se passe et comment sont traités. C'est-à-dire qu'on n'aille plus avec des dossiers dans un fin fond de placard où on ne sait plus ce que c'est, où sont les données, ce qu'il y a dedans et si elles sont déjà à jour. Donc là, il y aura aussi, un souci de vérifier régulièrement quelles sont les données, si elles sont mises à jour, si elles sont pertinentes, si on doit les conserver ou si on n'en a plus besoin. Le respect évidemment de la vie privée des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va voir que dans les principes, les règles, on ne peut pas recueillir n'importe quelle donnée dans n'importe quelle occasion. Alors, le cadre juridique du RGPD, il pose 5 grands principes pour protéger les données personnelles. Le premier, c'est la finalité, c'est-à-dire que la conservation des données d'une personne doit se faire dans un but qui est précis, qui est légal et qui est légitime. On ne peut pas prendre, conserver des données pour un but. Il va falloir qu'il soit déterminé, qu'il soit annoncé et on ne peut pas le faire pour n'importe quelle raison. Il faut que ça soit affiché et que l'on puisse justifier de la finalité de ce but précis pour lequel on a besoin de récupérer ces données, de les conserver pendant un certain temps. Ensuite, le deuxième principe, c'est la proportionnalité et la pertinence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas récupérer plus de données que nécessaire et il faut que les données soient pertinentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, par exemple, de récupérer les coordonnées d'un permis de conduire pour quelqu'un à qui on ne va pas octroyer un véhicule de service, par exemple. Il faut que les données, on n'a pas besoin de récupérer des informations sur les frères, les sœurs, les parents, etc., dans le cadre d'un entretien préalable. Il faut que les données qu'on récupère, quand bien même la personne serait d'accord pour les données, mais il va falloir ces données vont être stockées, elles vont être enregistrées d'une façon sous forme de notes ou autre, et il faut qu'elles soient effectivement proportionnelles à la nécessité du service, aux besoins, à la finalité et pertinentes. Enfin, le troisième principe, c'est la conservation limitée, c'est-à-dire qu'il n'est plus question et pas question que les données soient conservées pour une durée indéterminée. La durée doit être en fonction de la finalité, en fonction aussi pour respecter certains délais légaux de conservation, où il faut pouvoir respecter des délais de 5 ans, 10 ans, en fonction de la durée où vous devez conserver des preuves. Éventuellement, s'il y a un litige aussi, en fonction des délais de prescription, des actions légales qui peuvent être en œuvre. Mais au-delà de cette durée, il n'y a pas de raison, a priori, de conserver des données si c'est bien plus la nécessité, elles ne sont pas pertinentes et elles ne sont plus utilisable dans la finalité qui a été annoncée. Donc, il n'est pas question de récupérer des données, de les mettre quelque part, et puis après, on ne s'en occupe plus. La sécurité et la confidentialité, c'est le quatrième grand principe. Ça, c'est très important parce qu'il faut qu'à tout moment, le responsable de traitement soit en mesure de vérifier, d'assurer et de montrer qu'il a pris toutes les mesures de sécurité et de confidentialité. Alors, sécurité, c'est évidemment un aspect technique, c'est-à-dire qu'il faut que les systèmes informatiques soient bien sécurisés, qu'il y ait un certain nombre de dispositifs mis en place, mais c'est aussi, ça concerne aussi les gens qui ont accès au traitement, c'est-à-dire de déterminer qui va traiter ces données, qui aura accès à ces données parmi les salariés, parmi éventuellement des tiers. La confidentialité, c'est aussi de peut-être mettre des clauses dans les contrats de ceux qui vont traiter ces données en disant que, bien évidemment, ils s'engagent à assurer la totale confidentialité et à prendre les mesures pour assurer cette confidentialité. Et puis aussi, peut-être mettre des codes d'accès particuliers dans certains services, pas laisser un écran allumé avec des données personnelles et n'importe qui peut passer devant ou derrière et prendre connaissance de ces données. Donc, il faut prendre des dispositifs, que ce soit technique, mais également d'ordre organisationnel et humain, pour que n'importe qui n'ait pas accès à tout. Et ça ne peut pas se justifier. Là, s'il y a un contrôle de la CNIL, eh ben, ça peut poser un problème si jamais le responsable de traitement, donc le chef d'entreprise par exemple, ne peut pas justifier des mesures organisationnelles de sécurité qu'il a prises. Enfin, le cinquième grand principe du RGPD, c'est la reconnaissance du droit des personnes, c'est-à-dire qu'on a conféré, on a octroyé aux personnes physiques un certain nombre de droits qu'elles peuvent exercer, qui est notamment le droit d'information, de savoir quelles sont les données qu'on a collectées, quelle finalité, etc., quelle est la durée de conservation, etc. Le droit d'accès, c'est-à-dire je voudrais prendre connaissance des données pour savoir et éventuellement pouvoir demander des modifications si elles sont désuètes, le droit de modification et le droit de suppression des données dans certaines circonstances. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon ça prendra trop long aujourd'hui. Donc ça, c'est des droits qui sont très importants et qui permettent aux personnes physiques à tout moment de pouvoir savoir exactement quelles sont les données qui sont récupérées. Parce qu'au bout d'un moment, on oublie ce qu'on a dit, ce qu'on a donné, ce qu'on a. On a rempli des formulaires, on ne sait plus. Et donc là, ça permet de pouvoir avoir un suivi de la part des personnes physiques et d'exercer éventuellement une demande de retrait, de modification ou de suppression. Voilà. Il faut, et c'est très important dans le cadre, notamment on verra au niveau du registre, mais c'est que le responsable de traitement, donc le chef d'entreprise, le responsable de l'organisme, etc., doivent à tout moment pouvoir répondre aux demandes, aux droits qui sont exercés par les personnes. Et les délais sont assez courts, donc il faut qu'il y ait vraiment une organisation qui permette aux responsables de traitement de pouvoir satisfaire le droit qui est exercé par la personne concernée de manière complète et précise. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire « oui, on va faire une vérification, etc. » parce que ça ne satisfera pas aux règles du RGPD. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une organisation en amont à mettre en place, des mesures organisationnelles, des mesures techniques, et ça, c'est la nouveauté du RGPD par rapport à la loi antérieure. Alors, je pourrais rentrer dans tout le détail, un point par point, sur ce qui concerne les cinq principes que je viens d'évoquer, finalité, proportionnalité, conservation limitée, sécurité, confidentialité et reconnaissance du droit des personnes, mais bon, ça risque d'être un peu plus long, donc je préfère passer à la question suivante parce qu'il est déjà 2h20. Oui, le temps file, mais vous êtes passionnante. Passons maintenant à la définition des données personnelles. Quelles sont-elles? Et plus particulièrement, qu'est-ce qui peut être considéré comme données personnelles d'un salarié? Existe-t-il des données personnelles de salariés qu'un employeur n'aurait absolument pas légitimité à collecter? Vous parliez tout à l'heure d'un permis de conduire. Effectivement, s'il n'a pas de véhicule de service, qu'il n'est pas conducteur de bus ou d'ambulance, ça n'a pas de sens. Vous évoquiez également la conservation des données. Combien de temps ces données personnelles de salariés doivent-elles être conservées? Alors, pour répondre à ces questions, la première, c'est qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle, telle qu'elle est écrite par la CNIL, c'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. En fait, il y a deux types d'identification. L'identification directe, ben, on a le nom, le prénom, on sait tout de suite, immédiatement, de qui il s'agit, ou l'identification indirecte, c'est-à-dire par un identifiant, un numéro de sécurité sociale, etc. Ce qui fait que vous, directement, vous ne pouvez pas déterminer de quelle personne il s'agit, mais c'est tout à fait possible par, par un traitement ou par un moyen tiers de pouvoir identifier cette personne. Donc, dès lors qu'il y a un moyen précis d'identifier cette personne, de manière directe ou indirecte, on est en présence d'une donnée personnelle. Alors, même, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que le traitement des données personnelles? Eh bien, en fait, c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations, c'est un peu la définition qui est donnée, hein, qui porte sur des données personnelles qui sont effectuées, c'est-à-dire dès lors que vous récupérez un nom, un prénom, et qu'une fois que vous avez récupéré ces données, ben, vous le mettez dans un classeur, vous l'entrez dans un ordinateur, vous le mettez dans un registre, etc. Donc, dès qu'on utilise, même pour un classement, hein, ou même pour tout à fait autre chose, sans qu'il y ait transformation, mais dès qu'on utilise ces données personnelles, on est en présence d'un traitement, comme je disais tout à l'heure, soit automatisé ou non pas automatisé. Alors, maintenant, à qui s'adresse le RGPD? En fait, il s'adresse à toute structure privée ou publique qui effectue de la collecte du traitement de données, même à petite échelle. Hein, tous les organismes établis sur le territoire de l'Union européenne ou ceux qui sont établis hors Union européenne, mais dont l'activité cible des résidents européens. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le critère de rattachement. Ça concerne également les sous-traitants, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le RGPD a instauré une règle de responsabilité partagée avec le sous-traitant. C'est-à-dire, vous êtes responsable en tant que responsable de traitement des données que vous transmettez, l'utilisation qu'en fait les sous-traitants, mais il est donc très important de prévoir des clauses très spécifiques pour que le sous-traitant respecte les finalités, etc., les principes dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que vous serez responsable si vous n'avez pas pris les mesures vis-à-vis de votre sous-traitant pour que la protection des données soit assurée, autant au plan technique, au plan du traitement, etc. Si vous avez pris toutes ces mesures et que le sous-traitant ne la respecte pas, là, il peut devenir responsable à votre place. Donc là, il y a vraiment une grande importance. Enfin, les très nombreuses données personnelles relatives aux employés qui sont nécessaires, ben, elles peuvent être récoltées, ce sont celles qui sont nécessaires pour la gestion de leur carrière au sein de l'entreprise. Alors évidemment, vous avez toutes les informations sur la rémunération, les déclarations sociales. Il y a toutes les informations qui doivent être contenues dans la tenue du registre unique du personnel. Vous avez aussi la gestion administrative du personnel qui a besoin, ce type de, par exemple, un permis de conduire si besoin est, des coordonnées de personnes à prévenir en urgence. Pour tout ce qui concerne l'organisation du travail, par exemple, éventuellement des photographies d'employés pour mettre insérer dans des annuaires ou des organigrammes. Et enfin, tout ce qui peut concerner des informations sur les ayants droit de l'employé dans le cadre d'une action sociale qui serait prise en charge par l'employeur. Alors, il faut, au niveau de la conservation, au niveau des données que l'employeur peut récupérer, il faut distinguer quand vous êtes, par exemple, dans le cadre d'un recrutement. Les données que vous collectez, que vous pouvez collecter auprès du candidat, ne doivent être que celles qui peuvent servir pour évaluer la capacité du candidat et son adéquation avec l'emploi proposé. Donc, la qualification, l'expérience. Il est interdit, par exemple, de demander à un candidat son numéro de sécurité sociale, parce qu'à ce stade-là, c'est inutile, ou de collecter des informations sur sa famille, ses opinions politiques, son appartenance syndicale, etc. Donc, il ne faut, lors, par exemple, d'un entretien d'embauche, et vous ne pouvez collecter que les informations qui sont strictement nécessaires à apprécier l'adéquation du candidat, sa qualification, son expérience, etc., par rapport à l'emploi proposé. Alors, c'est éventuellement, vous pourrez collecter évidemment des numéros de téléphone, etc., pour tout ce qui sera besoin ensuite, mais il faut que ça soit strictement Absolument, c'est toujours la question de la finalité et de la pertinence, que ça soit strictement nécessaire à l'évaluation du candidat. Alors, la durée de conservation, elle est très limitée. C'est-à-dire que si vous avez une issue négative à la candidature, eh ben, vous ne pouvez pas conserver les données. Il n'y a aucune raison de conserver les données. Donc, il n'est pas question de les oublier quelque part dans un ordinateur, dans un dossier, etc. Donc, en général, vous pouvez conserver un contact parce que, par exemple, supposez que le candidat ne fasse pas l'affaire pour tel poste, mais vous dites que c'est quand même quelqu'un d'intéressant, on ne sait jamais, éventuellement, je pourrais le recontacter pour plus tard. Donc, ce qu'on dit, c'est que les données peuvent être détruites, doivent être détruites au maximum 2 ans après le dernier contact. Parce qu'on estime que si au bout de 2 ans, vous n'avez pas recontacté le candidat, ben, de toute façon, il sera peut-être parti ailleurs. Enfin bon. Donc, de toute façon, il faut, sauf si vous avez un cas spécifique et que vous avez un accord formel du candidat en disant, écoutez, est-ce que vous m'autorisez à conserver vos données, je ne sais pas, vous contactez 1 an plus tard, vous dites un petit peu plus longtemps que les 2 ans parce qu'il y a peut-être un poste qui va se dégager, mais pas tout de suite, enfin, je ne sais pas. Voilà. Donc, mais là, il faut l'accord formel. Sinon, c'est 2 ans. En revanche, pour ce qui concerne les données de vos salariés, donc vous avez récupéré les informations qui sont pertinentes, nécessaires, ben là, la plupart des informations sur port d'archives, c'est 5 ans après le départ des salariés, notamment pour le bulletin de paye. Alors, en fait, ça dépend. Des délais de prescription imposés par les différentes lois, règlements, etc. On va dire les bulletins de paye, c'est 5 ans après le départ du salarié. Donc là, il n'y a pas de raison, si vous voulez, de conserver des bulletins de paye de salariés qui sont partis il y a 10 ans. Oui, non, tout à fait. On va les détruire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, il va falloir qu'on avance vite parce qu'il nous reste très vite, à peine un quart d'heure. Enfin, un petit peu plus d'un quart d'heure. Alors, abordons le registre de traitement des données. Est-ce que toutes les entreprises doivent en mettre un en place? Un CSE qui gère également beaucoup de données personnelles de salariés, doit-il également en mettre un en place? Que doit contenir ce document? Est-ce qu'il doit comporter, entre autres, les noms des prestataires institutionnels avec lesquels on partage des données personnelles de salariés comme l'URSSAF, la Sécurité sociale, etc. Alors, pour répondre à la question, le registre qui est prévu par l'article 30 du RGPD, c'est ce qui participe à la documentation de la conformité. Donc, il doit être tenu par les responsables de traitement ou les sous-traitants eux-mêmes. Toute structure, toute entreprise, toute organisation, donc y compris le CSE, doit s'y conformer. Dès lors, il y a des traitements, enfin, je veux dire, il y a peu d'entreprises, d'organismes, etc., qui ne procèdent pas à des traitements de données. Donc, ça, c'est une obligation. Alors, maintenant, sur le contenu du registre, il faut qu'il reflète, en fait, tous les traitements de données personnelles qui sont effectués. Donc, pour chaque activité de traitement, il faudra établir une fiche de registre, d'accord ? Pas pour chaque personne, mais pour chaque activité de traitement. Donc, il va falloir faire un recensement de tous les traitements, une analyse de tous les traitements, et puis à partir de là, pour chaque activité de traitement, vous établissez une fiche. Il faut que cette fiche puisse identifier immédiatement quelles sont les parties qui sont concernées, quelles sont les catégories de données qui sont traitées, à quoi servent ces données et qui peut en accéder, et y accéder, pardon, combien de temps vous les conservez et comment est-ce qu'elles sont sécurisées. Voilà, ça, tout de suite, il va falloir. Alors, dans le détail, eh ben, pour chaque activité, il va y avoir le nom et les coordonnées du responsable du traitement pour que, notamment, les personnes puissent exercer un droit et savoir à qui s'adresser en cas de difficulté, les finalités de traitement, l'objectif, les catégories de personnes concernées. Donc, s'il s'agit de clients, est-ce qu'on est dans la catégorie employé, prospect, etc. Les catégories de données personnelles, s'agit-il de l'identité, de situation familiale, économique, données bancaires, etc. Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées. Donc, évidemment, parmi cela figurent les organismes, figurent tous les tiers auxquels on communique ces données et évidemment les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale dans ces cas-là, quelles sont les garanties qui sont prévues pour ces transferts? D'accord. Donc, ensuite, il faut mentionner les délais prévus pour l'effacement des données. Et éventuellement, si on n'efface pas l'anonymisation des données, si on veut faire établir, par exemple, des statistiques, bon, ça peut être intéressant de conserver certaines données, mais il faut les anonymiser pour qu'on puisse les attribuer à une personne particulièrement. Et d'une manière générale, toutes les mesures de sécurité qui ont été prises. Voilà ce que doit tenir le registre de traitement. Alors, dans les entreprises de moins de 250 salariés, il y a une sorte de un petit peu allégée, de formule un peu allégée, c'est-à-dire que les traitements, on ne prend que les traitements non occasionnels, c'est-à-dire la gestion de la paye, la gestion des clients, prospects, etc. C'était pas, voilà, on les oblige pas pour le moindre traitement qui ne concerne pas ça. Les traitements qui sont susceptibles de comporter un risque pour les droits et les libertés des personnes et les traitements qui portent sur les données sensibles, par exemple, les données de santé ou des infractions, etc. Et le registre doit être tenu par les responsables de traitement ou les sous-traitants eux-mêmes. C'est là qu'on verra tout à l'heure, intervient le DPO. Il n'est pas le responsable de traitement, mais il est celui qui va, j'allais dire, techniquement, matériellement, établir le registre et collecter les informations pour mettre à jour le registre chaque fois. Alors, tout le monde, tout le CSE qui est dans le cadre de ses activités sociales et culturelles va proposer aux salariés et à leur famille des prestations, il va recueillir des informations et bien évidemment, ces informations seront personnelles et donc dans le cadre de son fonctionnement, il doit établir un registre de tous les traitements et en se conformant bien évidemment au principe dont j'ai parlé tout à l'heure, finalité, proportionnalité, durée de conservation, sécurité, confidentialité et reconnaissance du droit des personnes. Donc, il doit protéger et il est soumis, comme toutes les autres structures, au RGPD. Très bien, merci. Et donc, on en vient à ce fameux DPO. Ou DPD en français, délégué à la protection des données. Est-ce obligatoire d'en nommer un ? Alors, la désignation, ce n'est pas une obligation, dès lors, sauf pour les organismes publics. Les organismes, par exemple, toutes les collectivités locales, sont tenues de nommer un DPO. Sinon, la désignation n'est obligatoire que dans trois cas. C'est le premier cas, c'est le traitement des données fait par des autorités ou organismes publics. Hein, j'ai parlé des collectivités, etc. La deuxième, c'est quand l'activité d'un organisme privé engendre un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle. Donc là, on considère que c'est obligatoire et les organismes privés, donc, qui traitent à grande échelle des données sensibles ou celles qui sont relatives à des condamnations pénales. Alors, le RGPD, il ne donne pas de précision, de définition claire de ce que constitue un traitement de données à grande échelle. C'est pour ça que s'il y a un doute, c'est peut-être aussi bien de nommer un DPO, comme ça on ne se retrouve pas dans une situation de risque. Et les entreprises qui traitent assez régulièrement de données personnelles, celles-ci, il faut qu'elles mettent en place des outils et des mesures pour se mettre en conformité. Là, il vaut mieux nommer un DPO parce que c'est lui qui, par exemple, permettra de rédiger la politique de confidentialité RGPD de l'entreprise, etc. Voilà les cas. Alors, je pourrais rentrer sur ce que les définitions à grande échelle, c'est compliqué parce que, en fait, les critères ne sont pas vraiment… Ont pas été, il y a des lignes directrices qui ont été établies formulées par le G29, mais enfin bon, c'est pas. Mais disons qu'à partir du moment où il y a un traitement massif ou sur un nombre important de personnes ou un traitement régulier, dans ces cas-là, il vaut mieux nommer un DPO. Très bien, merci beaucoup. Et les données sensibles, bien évidemment, ce sont celles qui sont reliées à une origine ethnique, religieuse, politique, données de santé, orientation sexuelle, etc. Alors, nous allons aborder maintenant quelques cas bien pratiques qui correspondent à des questions qui nous ont été envoyées par nos internautes. Donc, des élections CSE vont être organisées prochainement et nous avons obligation d'afficher donc les listes électorales. Un salarié peut-il s'opposer à ce que nous affichions sa date de naissance sur ces listes ? J'allais dire que c'est la loi qui l'impose à l'employeur de le faire. la loi impose à l'employeur de procéder à l'établissement, à l'affichage des listes électorales. Et selon la réglementation, ces listes doivent mentionner les noms et prénoms des électeurs, les dates d'entrée dans l'entreprise, leur lieu et leur date de naissance. Donc ça fait partie, j'allais dire tout à l'heure, on parlait des données qui peuvent être traitées ou conservées dans le cadre, quand c'est assis sur une base légale, là on y est. À partir du moment où la loi fait une obligation de récupérer, de récolter certaines données, bien évidemment, là, il y a une obligation qui est affichée. Donc, on est obligé de s'y concerner. Donc, on peut difficilement… alors, il n'y a pas de délai prévu avant la date ni aucune publicité particulière. Mais bon, bien évidemment, l'employeur est dans l'obligation d'afficher les listes électorales avec les mentions qui sont imposées par la loi, comme la date de naissance. Très bien, merci beaucoup. Alors, autre question très concrète que nous a envoyée une responsable des ressources humaines. Elle appartient à un groupe international et elle souhaiterait savoir s'il est possible de rendre la nationalité des salariés visible par tous pour que chacun puisse savoir en quelle langue s'adresser à son collègue et puis parfois à quels horaires s'il y a des décalages horaires importants. Bon, alors la question c'est de savoir si la nationalité fait partie des données personnelles des salariés. Oui. Est-ce qu'on peut diffuser, afficher cette donnée personnelle, j'allais dire avec consentement des salariés, s'il y a, j'allais dire, une proposition qui est faite et que tout le monde y adhère et dire oui, moi, je vois pas d'inconvénient. Sinon la solution pour pratique, d'ordre pratique pour répondre à la question, c'est d'afficher le pays. Le lieu d'exercice de l'activité. Si on voit Pologne, on se doute qu'on a probablement affaire à des Polonais, ou en tout cas d'expression polonaise, parce que ce que vous n'avez pas le droit, par exemple, c'est de mentionner une naturalisation, la date de naturalisation, en disant que je n'étais pas tout à fait polonais, parce qu'avant, il était, je ne sais pas, bon, voilà. Donc, ce qui est important, la finalité, c'est de savoir dans quelle langue s'exprimer, quel est le pays, etc. Bon, pourquoi pas dire bureau de Varsovie, ou bureau de Munich, ou bureau, voilà. Donc, on saura à qui on a affaire, même si peu importe la nationalité, parce que le bureau en question peut éventuellement engager des gens de nationalités différentes, mais qui auront forcément vocation à travailler en allemand, en polonais, en Espagne, en espagnol, etc., si résident dans ce pays. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer un petit peu peut-être sur le choix du prestataire, parce que vraiment l'heure tourne, et que vous l'avez un petit peu abordé. Je rappelle juste, faire bien attention et mettre des clauses concernant le RGPD dans les contrats qui vous lient au prestataire, qu'il s'agisse d'un prestataire de paye ou d'un prestataire de gestion des actions sociales pour les élus de CSE, bien vérifier que dans le contrat, des clauses sont présentes pour garantir la protection des données des salariés que vous leur transmettez. Et également, si je peux me permettre juste de dire une chose, oui. C'est les salariés qui eux-mêmes sont amenés au sein de l'entreprise à traiter. Donc, il y a un référentiel qui a été publié par la CNIL au mois d'avril 2020, qui est une sorte de cadre normatif qui permet aux employeurs de s'assurer de la conformité de leur traitement de données personnelles au regard du RGPD. Et là, c'est intéressant parce que le référentiel concerne un certain nombre de finalités propres aux employeurs et il peut y avoir aussi une charte dédiée à la protection des données, il peut y avoir un certain nombre de choses. Ça fait partie de l'obligation de sécurité des données de l'employeur du fait de l'utilisation du traitement par ses propres salariés. Il peut y avoir aussi éventuellement une clause dans le contrat de travail ou un avenant pour les salariés qui sont particulièrement chargés de traiter ces dossiers, ces données. Donc, pas seulement au regard des prestataires extérieurs ou sous-traitants, mais aussi des salariés d'entreprise. Très bien, oui, merci de l'avoir précisé. Alors, autre question qui nous est parvenue concernant des sociétés qui sont amenées à mettre en place de la vidéosurveillance, des caméras donc, qui filment les salariés. Pour d'autres entreprises, il peut s'agir de géolocalisation. Comment rendre ces deux dispositifs compatibles avec le RGPD et là aussi, combien de temps ce type de données peut-il être conservé? Alors, l'employeur ne peut pas installer des caméras dans ses locaux, je parle des locaux privés, hein, les locaux de l'entreprise ou de l'organisme, sans définir un objectif qui doit être légal, légitime, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens, des personnes, dissuasion, identifier éventuellement des problèmes, vol, dégradation, agression, etc. Alors, les caméras, elles sont installées au niveau des entrées, des sorties, des issues, des couloirs de circulation. En aucun cas, ils ne peuvent filmer les employés sur leur poste de travail. Donc, par exemple, si vous avez un accueil, vous avez une caméra parce qu'il y a des gens qui arrivent, vous pouvez mettre la caméra sur les personnes qui arrivent au comptoir d'accueil, mais il est hors de question de positionner la caméra de façon à ce qu'on voit l'hôtesse d'accueil ou la personne qui est à l'accueil en train de taper, de travailler. Donc, si jamais il y a un contrôle, les agents de la CNIL vont voir comment sont disposées les caméras et ce qu'elles filment. Donc, il n'est pas question de filmer les employés sur leur poste de travail, bien évidemment non plus les zones de pause, de repos, les toilettes, etc. Ça, ce n'est pas possible. Si jamais il y a des distributeurs, qu'il y a des dégradations, ben, on filme le distributeur, mais on ne filme pas toute la pièce, vous voyez. Et pas non plus question de filmer les locaux aux syndicaux ou de représentants du personnel, ni leur accès, bon, c'est interdit. Ensuite, il ne faut pas que, bien évidemment, la possibilité de regarder des images à distance puisse être accessible à n'importe qui et qu'il puisse avoir des remarques sur la qualité de travail non plus. Il ne faut pas que ça ait un impact sur la façon, sur le travail lui-même. Il faut que ça soit vraiment la finalité, c'est la protection. C'est la sécurité, donc les caméras doivent être, et l'utilisation des données ne doivent être faites que dans ce but-là, et surtout pas pour surveiller la qualité du travail et comment travaillent les personnes. Alors, les personnes qui peuvent les consulter, ce sont celles qui sont habilitées, le responsable de sécurité, etc., ou évidemment le responsable de traitement. Et alors, combien de temps l'employeur, en principe, la durée n'excède pas un mois. D'accord. Alors, il peut y avoir certains cas de circonstances exceptionnelles dans le cas d'un incident où il faut enclencher des procédures disciplinaires parce qu'il y a eu… Bon, voilà. Donc, dans ces cas-là, il y aura une conservation, mais normalement, ce n'est pas plus d'un mois. Et enfin, il faut surtout qu'il y ait des panneaux d'information en disant qu'il y a un de manière très visible, en disant qu'il y a dans les lieux concernés un dispositif de vidéoprotection, et ce dispositif doit mentionner que l'établissement est placé sous vidéo, que les images sont conservées pendant un mois, que vous pouvez exercer vos droits. Enfin voilà, il faut vraiment que ça soit très clairement affiché. Et en cas de contrôle, il faut pouvoir évidemment justifier de la nécessité d'installer ce dispositif. Alors, sur les formalités, si ce n'est pas un lieu ouvert au public, il n'y a pas de demande d'autorisation à obtenir, il suffit de mettre une fiche dans le registre des traitements de données. En revanche, si c'est un lieu ouvert au public, là, il y a une démarche à faire auprès du ministère de l'Intérieur. Très bien, c'est très clair, merci. Et les instances de représentation du personnel doivent être évidemment informées. Oui, informées. De l'installation des caméras. Tout à fait. Alors, je m'excuse, je vais le retourner, je m'excuse auprès de nos internautes, on va prendre un petit peu de retard et on va déborder un petit peu. Mais vous aurez accès au replay de la webconférence, nous vous enverrons la vidéo par email d'ici quelques jours. Donc, rassurez-vous, vous aurez ceux qui doivent partir. Vous aurez accès à l'intégralité du contenu. Donc, vous parliez de contrôle justement à l'instant, maître. Qui peut procéder à des contrôles et comment ça se passe? Alors, le contrôle, la CNIL et les agents de la CNIL qui effectuent le contrôle. Alors, le contrôle, il peut être fait à distance, il peut être fait sur place par déplacement. La CNIL peut très bien effectuer aussi des contrôles en convoquant le responsable de traitement, le dirigeant, le responsable d'organisme, etc. Voilà, donc c'est des agents assermentés qui viennent et qui effectuent le contrôle. Alors, ils ont absolument accès à tous les documents auxquels ils veulent accéder, tous les dispositifs techniques, etc. Ils peuvent s'entretenir avec tout membre du personnel, accéder à tous les programmes informatiques, etc. On ne peut pas opposer le secret professionnel, sauf quand il s'agit du secret médical et du secret entre l'avocat et son client. D'accord ? Mais voilà. Et ensuite, ils rédigent un procès-verbal dans lequel ils mentionnent toutes les opérations qu'ils ont faites, tous les documents qu'ils ont récupérés, etc. Ils peuvent emporter ils ont vraiment accès à tout. Voilà. Ils effectuent un procès-verbal. À partir de là, c'est instruit. Et il y a eu infraction ou il n'y a pas infraction. Et en fonction de ça, il y aura une procédure différente, j'allais dire, différentes étapes. Ça peut être l'avertissement, la mise en demeure, jusqu'à la sanction pécuniaire. Justement, parlons des sanctions. Quelles sont-elles? Et est-ce qu'on a un petit peu de recul, parce que ça fait maintenant plusieurs années que le RGPD a été mis en place, sur le nombre de sanctions qui ont été infligées? Alors, oui, je veux ajouter aussi qu'il y a le contrôle en ligne, qui est souvent un contrôle qui est fait très rapidement, parce que, par exemple, si la CNIL s'aperçoit, les agents de la CNIL s'aperçoivent qu'il y a un site qui n'est pas du tout en conformité, qu'il n'y a pas les bannières, les mentions, etc., ils se doutent que par derrière, il doit y avoir aussi des choses qui ne vont pas. Donc, il y a déjà un premier contrôle qui peut se faire en ligne, c'est très vite de voir si… s'il y a déjà des choses qui apparaissent immédiatement qui ne sont pas en conformité, donc là, il y a peut-être matière à aller voir plus loin. Donc, il faut faire attention à ça et bien se mettre en conformité au niveau de… Sinon, ils agissent beaucoup sur les plaintes, hein, sur plaintes de tiers, etc. Alors, pour les sanctions, ce que je sais en 2020, en 2019, moi, les informations que j'ai, c'est qu'il y avait eu 42 mises en demeure et 8 sanctions. On était au début de l'implantation, imposée par la CNIL. Hein. En 2020, il y a vraiment eu une augmentation, on est passé à 49 mises en demeure, 14 sanctions. Donc, en fait, en 2019, la CNIL indique avoir infligé pour 51,4 millions d'euros d'amende, ce qui était déjà record, parce qu'avant, les amendes étaient vraiment symboliques presque, et presque plus de 138 millions en 2020. En fait, Lendor, ça comprend les deux lourdes amendes qui ont été prononcées à l'encontre de Google et d'Amazon pour leur politique abusive de cookies, qui ont été condamnées respectivement à 100 millions et 35 millions d'euros d'amende. Donc, effectivement, ça fait… il y a également Carrefour et sa filiale qui a été condamnée, Carrefour Bank, pour à hauteur de 3 millions d'euros. Ensuite, il y a un nombre de plaintes qui est assez important, enfin une augmentation de 24% qui a été constatée à raison de la pandémie. Voilà. Donc, pour les sanctions pécuniaires, il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Pas négligeable. Oui, non, surtout quand il s'agit de gros groupes internationaux, effectivement, voilà. Parce que c'est vraiment le chiffre d'affaires mondial qui est à prendre en compte. Le but du jeu, c'était d'infliger que les sanctions qui soient encourues soient suffisamment importantes pour dissuader les gens de s'affranchir des règles. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, vous disiez que le nombre de sanctions ou de signalements avaient augmenté suite à la crise sanitaire. Et justement, c'est l'objet de notre dernière partie, puisque les derniers éléments mis en place par le gouvernement aujourd'hui, c'est dans certaines entreprises le contrôle du pass sanitaire et le contrôle du statut vaccinal de certains salariés pour toutes les entreprises en lien avec le médical. Donc, comment rendre conforme au RGPD ces deux contrôles-là? Oui, alors il y a le principe concernant l'application de tous anti-Covid, vérifs et tout, qui sont renforcés, c'est le principe de minimisation, qui est un des principes majeurs, et de finalité, c'est-à-dire que l'objectif poursuivi, c'est que le contrôle de la validité du pass sanitaire, c'est pas de savoir le détail du passé, etc. Alors, il y a une recommandation de la CNIL qui a donné un avis, les dispositifs n'ont pas été vraiment pris pour l'instant en accord avec cette recommandation. Mais en ce qui concerne l'employeur, l'employeur il est en mesure que de conserver le résultat du contrôle de validité. C'est-à-dire savoir si, grosso modo, le pass est valide ou il n'est pas valide. Point. Donc, le principe de minimisation fait qu'il ne doit pas conserver, il n'a pas à connaître ni à contrôler les données qui sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Il doit simplement vérifier la validité du pass sanitaire. il n'y a pas d'enregistrement, sauf dans les cas particuliers où on a du mal, enfin où il peut y avoir une difficulté sur la validité du parcours vaccinal total. Donc, bon, certains cas, mais il est là simplement pour contrôler et il n'a pas à conserver les données issues du contrôle. Très donc, bien. Cette conservation est même punie. Hein. Elle est punie d'un an d'emprisonnement à 45 000 euros d'amende. Donc, il s'agit là d'un délit qui apparaît dans la loi. Donc là, vraiment, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisqu'on n'a plus le temps sur les recommandations faites par la CNIL. Du côté, ça c'est, j'allais dire, d'une manière générale concernant tout ce anti-Covid et sur le pass sanitaire. Mais du côté de l'employeur, l'employeur, il doit simplement… voilà, faire une vérification, il n'a pas conservé ses données. Très bien. Ça, j'imagine plein de questions qui fusent, mais on va revenir plus tard, peut-être. comment prouver qu'on a procédé à une vérification si on ne peut pas conserver des preuves? Voilà. Mais justement, ça tombe bien, puisqu'en fait, ça fera l'objet de notre future webconférence qui sera entièrement dédiée au Covid, au contrôle du pass sanitaire, au nouveau protocole sanitaire, au statut, à l'obligation vaccinale. On passera 45 minutes exclusivement sur ce sujet. Ma collègue Marine va vous transmettre le lien d'inscription pour cette future webconférence qui aura lieu le 28 septembre. Donc, j'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu réponse à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Da Palma pour toute information complémentaire. Et ma collègue Marine a posté à de nombreuses reprises un formulaire qui vous permet de poser vos questions aussi gratuitement à notre équipe de juristes. N'hésitez pas à vous en servir. Enfin, pour finir, vous savez qu'on y… On peut tous s'améliorer et je suis la première concernée et j'y suis la première sensible. Donc, je souhaiterais également vous demander votre avis sur cette webconférence, sur notre nouvel outil. Est-ce que vous en êtes plutôt satisfait? Donc, c'est pareil, ma collègue Marine va vous envoyer donc le lien qui vous permettra de nous faire part de vos avis afin que nous améliorons nos prochaines webconférences. Donc, je vous remercie encore, Maître Da Palma, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette organisation. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste et en trois quarts d'heure, c'est difficile d'aborder toutes les questions de manière assez précisée et approfondie quand même pour répondre à tout le monde. Donc, je pense qu'il y aura plein d'autres possibilités de revenir sur ce sujet. Tout à fait. Donc, merci encore à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous donc le 28 septembre pour notre prochaine webconférence. À bientôt. Au revoir. Au revoir.